Exercice 10, page 97. A. Quand il dort, il parle. Transformé. Il parle en dormant. B. Quand il sort, il ferme. Transformé. Il ferme en sortant. C. Quand il rentre, il chuchote. Transformé. Il chuchote en rentrant. D. Quand il danse, il rigole. Transformé. Il rigole en dansant.